Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir le trésor spirituel de l'orthodoxie grâce au site orthodoxie.com. C'est à Chaville, en région parisienne, que nous retrouvons l'équipe formée d'un prêtre et d'un laïc qui a lancé ce site d'information sur l'orthodoxie au service de tous les chrétiens. En premier lieu, ce site s'adresse aux orthodoxes pour faire circuler l'information orthodoxe parmi les orthodoxes d'Europe et même du monde, mais ce site aussi sert de visibilité à des catholiques et à des protestants pour mieux connaître l'actualité orthodoxe de façon claire et aussi pour mieux comprendre le fonctionnement actuel des églises orthodoxes. L'orthodoxie existe sous des formes très variées, et si les sources d'information russes et grecques prédominent, le site essaie de présenter l'orthodoxie dans sa grande diversité. Nous cherchons même parfois beaucoup des informations d'autres horizons, que ce soit par exemple d'Extrême-Orient, où il y a également des églises orthodoxes, afin de pouvoir diffuser et de montrer justement la vie de cette panorthodoxie dans le monde. Une vitalité mise en valeur par des centaines d'articles très divers et par l'utilisation de technologies multimédia comme le podcast « L'église orthodoxe aujourd'hui ». Mais également des vidéos en ligne qui font la part belle à la somptueuse liturgie orthodoxe. La vidéo ne peut jamais remplacer la liturgie, qui est le sommet de la vie chrétienne, bien évidemment. Plutôt, nous avons l'intention d'inciter les gens d'aller voir et de participer d'eux-mêmes à ces liturgies. Ce site est une mine d'informations pour tous ceux qui veulent découvrir un christianisme souvent méconnu. Tous ceux qui souhaitent connaître et être au courant de ce qui se passe dans l'orthodoxie francophone, mais pas seulement l'orthodoxie francophone, sont invités à venir visiter notre site. Nous tâchons donc de donner la possibilité que les gens puissent accéder à la richesse de l'Église orthodoxe.